Bosco Douiman. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Le président du syndicat STEB vient d'être élu pour 4 ans au bureau du comité syndical francophone pour l'éducation et la formation. La promotion de la langue française figure parmi les objectifs phares du congrès mondial auquel il a participé, nous dira-t-il, depuis Buenos Aires, en Argentine. Des habitants du quartier Niabagéré manquent cruellement d'eau pour se prévenir contre la variole du singe, comme toutes les autres maladies liées au manque d'hygiène. Mais le directeur général de la régie des eaux annonce l'acquisition de tuyaux et pompes commandées pour remplacer ceux qui ne fonctionnaient plus. Ces matériaux d'une valeur de 4 millions d'euros seront très bientôt installés. C'est pour résoudre ce problème de manque d'eau. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le président du syndicat STEB vient d'être élu pour 4 ans au bureau du comité syndical francophone pour l'éducation et la formation. C'était ce dimanche au cours du congrès mondial de cette plateforme qui s'est tenu à Buenos Aires en Argentine. Pour Rémi Senghillon, c'est un honneur pour les syndicats et pour le pays qui en tirera profit, surtout en ce qui concerne la promotion de la langue française, une langue en perte de vitesse aujourd'hui par rapport à la langue anglaise, alors qu'elle est utilisée dans l'administration et l'enseignement au Burundi. La rédaction l'a joint depuis Buenos Aires. On écoute. Je suis à Buenos Aires, en Argentine, dans un congrès mondial du comité syndical francophone pour l'éducation et la formation, où je viens d'être élu membre du bureau mondial de cette plateforme. C'est un honneur pour moi, c'est un honneur pour mon syndicat STEB, c'est un honneur pour la Fédération des syndicats des enseignants concessionnaires et pour la Confédération des syndicats du Burundi Kosibu, parce qu'on nous élit par rapport à ce qu'ils connaissent sur nous. Ils savent comment nous avons revendiqué, ils savent les résultats déjà atteints, ils savent notre personnalité par rapport au dialogue social au niveau national, ils savent que je fais partie du CNDS. Vraiment, c'est un honneur pour le Burundi. Et l'avantage surtout d'être dans cette plateforme, c'est la promotion de la langue française, la langue d'apprentissage au Burundi, la langue utilisée dans l'administration burundaise pour la coopération. Et c'est aussi un avantage pour les syndicats et les confédérations et les fédérations dans la solidarité mondiale. Ils voient qu'on ne danse pas seul. La solidarité mondiale, la solidarité syndicale, les problèmes des travailleurs, l'éducation de qualité, ce sont des points très sensibles auxquels on ne peut pas travailler seul sans solidarité nationale et internationale. Nous espérons que Dieu aidant, nous serons à la hauteur pendant les contrats qui vont venir. Et avec vous tous, nous espérons la réussite. Rémi Senghillon, président du syndicat STEB, jointe par la rédaction depuis Buenos Aires, en Argentine. La variole du singe est une maladie transmise de l'animal à l'humain à travers un virus transmis par le singe infecté. Le dermatologue Pi Nibiranije indique que parmi les premiers symptômes de cette maladie figurent la fièvre et les douleurs musculaires. Et pour diagnostiquer la maladie, il y a des examens faits au laboratoire national INSP. Suivez Dr Pi Nibiranije. La variole du singe, c'est une maladie infectieuse, virale, contagieuse et transmise bien sûr par les singes de la forêt. C'est-à-dire, mais c'est un virus qui est porté par les singes. Alors, si les hommes sont en contact avec le virus, vous savez qu'il y a des hommes qui peuvent aller dans les forêts et qui peuvent être en contact avec les singes. Alors, une fois si les hommes contactent les singes, vous comprendrez très bien que peuvent être contaminés. Et si un homme est contaminé, il peut contaminer son voisin. La contamination commence avec les premiers symptômes, c'est-à-dire ça varie de 6 jours à 13 jours en moyenne. Une fois si nous suspectons une personne qui est infectée par ce virus, il y a un système organisé par le ministère de la Santé. On les appelle, ils viennent, ils font des prélèvements, après ils amènent à l'INSP, après ils peuvent confirmer ou non. Ils peuvent confirmer si, bien sûr, c'est la variole de singe ou bien une autre maladie, parce qu'il y a des diagnostics différentiels. Par exemple, la varicelle aussi, c'est une maladie qui peut avoir les mêmes symptômes. Vous aurez plus de détails vers la fin de cette édition dans la chronique Santé. Les habitants du quartier Niabagéré en zone urbaine de Guihosha affirment ne pas être en mesure de se prévenir contre la variole du singe suite au manque d'eau potable qui s'observe dans cette localité. Au micro-baladeur de la radio-télévision Isanganiro, il disait être obligé de se rabattre sur l'eau de la rivière Niabagere ou celle des forages qui ne sont pas très propres et demande au gouvernement de réagir sans délai. Écoutez-les. Pour qu'on lutte de cette maladie, la première chose, c'est d'avoir de l'eau. Les inconvénients sont très beaucoup, puisque quand il n'y a pas de l'eau potable dans nos quartiers, il y a beaucoup de maladies qui viennent quand on manque de l'eau. Il y a le choléra et d'autres maladies comme ça. Puisque ces maladies, les voyages des singes là, qu'on dise tous les jours, donc c'est une maladie qui est très dangereuse. Je me souviens, moi j'étais en RDC, c'est là où j'avais vu la toute première cette maladie là. Donc c'est très chaotique. Madame la ministre de la Santé publique, elle a eu l'occasion de déclarer ouvertement cette maladie. Alors quand elle a déclaré cette maladie, tout en déclarant que les gens doivent se laver jour au jour. Alors comment est-ce qu'on peut se laver au moment où nous n'avons pas de l'eau dans nos ménages? Puisque nous passons même une, deux, trois semaines, voire un mois et demi ou deux mois sans avoir de l'eau. Donc, les premières difficultés que nous avons, c'est les difficultés d'avoir de l'eau. Ça peut prendre 3 mois sans avoir de l'eau. Quelquefois, nous avons de l'eau, mais on peut passer beaucoup de temps sans l'eau. Même quand le viennent, ce n'est pas nous tous qu'on arrive à avoir de l'eau. Ceux qui ont des maisons en étage, ils n'arrivent pas à avoir de l'eau. On ne saura pas même comment se protéger contre cette maladie parce qu'on n'a pas de l'eau. On utilise l'eau de la rivière Niabagere et cette eau n'est pas propre. Les autres endroits ont des robinets publics ou de l'eau qui vient à l'aide du soleil. Mais notre quartier Niabagere, on n'a pas ça. On utilise l'eau de la rivière Niabagere, mais ce n'est pas l'eau propre et ça cause des maladies. On demande au gouvernement de nous aider avec de l'eau pour qu'on puisse se protéger contre cette maladie. Ce que nous demandons aux autorités compétentes, d'abord, nous demandons au directeur général de la régie des eaux de faire son mieux pour qu'il puisse envoyer de l'eau dans les quartiers de Bujumbura. Même si on veut lutter contre cette maladie, sans avoir de l'eau, c'est rien. On ne peut pas lutter de cette maladie quand nous n'avons pas de l'eau dans nos ménages. Ici, au quartier Niabagere, tous ces quartiers aux alentours de ce quartier, nous tous, nous n'avons pas de l'eau. Ça fait un mois et plus, nous n'avons pas de l'eau. Au moment où cette maladie va beaucoup de l'argent au gouvernement du Burundi. Alors, au lieu de mettre l'argent pour soigner les gens, qui ont été de cette maladie, vaut mieux mettre beaucoup de force à nous envoyer de l'eau dans nos ménages. C'est ce que nous nous demandons. En réponse, le directeur général de la Régie des eaux annonce l'acquisition d'un matériau composé de tuyaux et pompes d'une valeur de 4 millions d'euros commandés pour remplacer ceux qui ne fonctionnaient pas en vue de résoudre le problème de manque d'eau potable dans différents coins de la capitale économique Bujumbura. Jean-Albert Manigomba rassure que très bientôt les travaux vont démarrer, mais sans préciser quand. Ces pompes seraient à faire le remplacement des pompes qui sont maintenant pour usage, qui sont très vestiges, parce que c'est un projet de remplacement de ces pompes qui a mis le jour depuis 2017, mais la régie des eaux n'a pu avoir ces équipements parce que premièrement, c'est trop cher, deuxièmement, ce sont des équipements qui sont fabriqués dans des usines européennes. Ces pompes viennent de l'Italie. Par exemple, les pompes que vous avez vues nous ont coûté à peu près 4 millions d'euros. Maintenant, alors, avec l'arrivée de ces pompes, nous allons remplacer toutes les pompes qui sont vieilles. Il y aura quand même l'augmentation de la production, car maintenant, le rendement était de 50%, parce que vraiment, les pompes étaient vraiment très, très, très vestiges. Nous avons visité la station de pompage SP1, où il y a 6 pompes. Parmi les 6 pompes, c'est 3 seulement qui est maintenant fonctionnaire. Et ces 3 pompes aussi, le rendement était à 50%. Mais avec l'arrivée de ces pompes, nous allons remplacer toutes les 6 pompes et le rendement va aussi augmenter. Même ici aussi, à la station de pompage, toutes les pompes, on peut dire, sont vraiment hors usage. On va les remplacer tous et je pense que le rendement va augmenter. Il y aura une amélioration dans la distribution de l'eau potable. Et puis, vous avez vu aussi les tuyaux. Ces tuyaux que vous avez vus, c'est à faire l'addiction des eaux gravitaires. Nous avons des projets de Mathias et Isale. L'équipe de la Régie des eaux est en cours de faire l'addiction de ces sources d'eau gravitaires, dont nous comptons d'ici à peu près 3 mois. L'eau en provenance de Mathias et Isale sera déjà ici à Bujumbura. Mais ça ne va pas résoudre le problème de l'eau définitif. Et en cas d'épidémie ou maladie liée au manque d'hygiène, le directeur général de la Régie des eaux déclare qu'en collaboration avec le ministère de la Santé publique, cette entreprise travaille d'arrache-pied pour mettre à la disposition de la population des bornes-fontaines d'eau potable afin qu'elles se protègent contre ces épidémies. Encore une fois, Jean-Albert Manicombe. L'intervention de la Régie des eaux, nous devrons travailler avec le ministère de la Santé, surtout à construire des bonnes fontaines, surtout dans les endroits où il n'y a pas de l'eau. On essaie à construire des bonnes fontaines. Vous avez vu qu'on avait le Covid, nous avons aussi travaillé avec le ministère de la Santé. Nous avons essayé de faire tout impossible pour lutter avec le Covid. Aussi avec ce mardi, aussi, nous allons travailler avec le ministère de la Santé publique. En tout cas, là où ça sera nécessaire de diriger des bonnes fontaines, la Régie des eaux va le faire rapidement. Et ça même demande des fonds de la part du ministère de la Santé. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Un des conjoints peut se suicider du fait d'être dépassé par des conflits familiaux. Explication d'un expert en santé mentale et psychothérapeutique, Pierre Claver Njejimana, par des 7 personnes de la commune Amouroutan, province Kayanza, qui se sont suicidées l'année dernière. Mais ces couples en conflit devraient s'asseoir ensemble pour échanger et trouver des solutions aux conflits au lieu de sauter la vie. Suivez. Le fait de se suicider peut présenter plusieurs origines. Il y a des conflits, effectivement, qui s'observent en famille. Et vous constatez que dans ces derniers jours, il y a la notion de pauvreté qui mine les familles. Et à un certain moment, il y a ces mésententes qui peuvent naître de la pauvreté. Une femme, par exemple, peut soupçonner son mari de faire de la tromper et de faire des relations externes. Et ça peut provoquer des conflits perpétuels. Il faut éliminer les conflits, éliminer le conflit. Et lorsque le conflit n'est pas résolu, il y a un recours au suicide comme dernière solution. Pour éviter le suicide devant une situation conflictuelle en couple, il faut que les membres du couple cherchent un moment, le temps pour échanger, dialoguer sur le fait et dégager des pistes de solutions pour justement éradiquer le recours au suicide. Et certains administrateurs de la province Kirundo disent que les quantités de vivres récoltées par les ménages pourraient s'avérer insuffisantes pour la solidarité locale par rapport à l'année dernière. Il demande que la collecte soit organisée en période de récolte quand les stocks sont encore remplis. Le gouverneur de Kirundo, le colonel de police Segasago Victor, interpelle les administratifs à renforcer la sensibilisation et surtout à expliquer à la population la gestion des fonds collectés. Agnès Naomagadze. Le fait de ne pas fournir des explications claires de la gestion de biens collectés à la population, les sensibilisations non renforcées et le favoritisme de certains parmi les administratifs, cela pourrait être à l'origine de la baisse des biens collectés, comme l'indique le gouverneur de la province Kirundo, qui mentionne que lorsque parmi les administratifs figurent ceux qui diminuent ou cachent les biens collectés, cela affecte la confiance de la population à l'égard de ces administratifs et par conséquent diminue les biens collectés dans cette localité. Certains parmi les administrateurs ont soulevé quelques préoccupations parmi lesquelles figure aussi leur inquiétude sur le fait que la quantité de la récolte qui existe actuellement dans les ménages pourrait occasionner une baisse de la quantité à collecter pour la solidarité locale par rapport à l'an passé où la province de Kirundo a été classée 6e sur base des fonds collectés au niveau national. Il demande que cette collecte soit organisée au mois de juin en période de récolte où les stocks de la population sont encore remplis de récoltes car la plupart disent avoir orienté le peu qu'il est resté aux besoins familiaux. Le gouverneur de la province Kirundo interpelle les administratifs à renforcer les sensibilisations et surtout d'expliquer à la population la gestion des fonds collectés, sans oublier les témoignages des ménages vulnérables qui ont bénéficié ces biens collectés lors de la journée dédiée aux communes. Il a également mis en garde certains parmi la population qui refusent de prendre en charge leurs personnes âgées alors qu'ils ont des moyens en les laissant mendier que les biens collectés à la solidarité locale sont destinés aux plus démunis qui n'ont pas encore bénéficié aucune assistance. Depuis Kirundo, Agnès Naomagadze pour la radio Isanganiro. Radio Isanganiro, chronique santé.